Son histoire, Engram a eu recours au service de l'historienne de l'art et commissaire indépendante Audrey Carreau, qui a retenu 38 œuvres. Venez découvrir sa sélection durant l'exposition du 5 au 12 avril dans l'espace de diffusion. L'Encan Bénéfice se déroulera aux ateliers du Réacteur, 731 rue Saint-Vallier, le 13 avril. Entrée gratuite et réjouissance assurée. Ce soir, à l'aérospatiale, la soirée F5 au Musée de la civilisation, l'encan bénéfice d'Engram et l'exposition Le temps file au Musée national des beaux-arts du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Bonsoir, Chantier en la France. Bonsoir, Audrey Carreau, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, malgré la température. Oui. Ça va bien à l'intérieur. Ah, ben oui, c'est sûr. Hein? comme nous disait ici Gilles Chaumel dans le hall d'entrée, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, pour une dernière fois, on espère, cette année. Oui, effectivement. avant d'entamer cette émission, je voulais quand même qu'on fasse un petit retour très rapide sur le Radioton. Féliciter CKRL, bravo, les CKRL. Auditeurs. Merci à vous, chers auditeurs, car grâce à votre générosité, CKRL peut poursuivre sa mission et justement encourager des émissions comme la nôtre, soutenir la culture, les arts visuels, le cinéma, l'art audio et compagnie, à vrai dire. C'est très important. Donc, grâce à vous, la station a récolté 43 782 $. Merci beaucoup et bravo à CKRL. Donc, Jean-Tiane, ce qui nous attend ce soir à l'émission, à vrai dire, on est tout en entrevue. Oui, hein? On reçoit ce soir. On reçoit. Oui. Donc, on reçoit d'abord Caroline Belzine-Normand qui va venir nous parler de la soirée F5 qui se tient ce soir même au Musée de la civilisation. C'est dans le cadre de la semaine numérique. Oui, où se mêlent art et technologie. Et ensuite, on va recevoir Fanny Ménard qui va venir nous parler de l'encan bénéfice qui va avoir lieu chez Engram. L'exposition va débuter bientôt et ensuite, il va y avoir un encan. Et ensuite, on va recevoir Maude Lévesque qui est commissaire de l'exposition dont on va parler, l'exposition Le temps file qui est présenté au Musée national des beaux-arts du Québec. À partir de cette semaine, hein? C'est tout nouveau. Là, on parle de ça en primeur. Oui, même. On en parle avant, pour une fois. Et puis, on l'annonce en grande pompe. Donc, elle va être accompagnée également d'Anne-Josée Lacombe qui va nous parler du Média Guide de tout spécial nouveau genre qui va être également disponible dans le cadre de cette exposition-là. Et on va terminer l'émission, évidemment, avec notre agenda de la semaine. Oui, et Jean-Tiane, c'est toi cette semaine qui nous propose une sélection audio parce que Simon Roy est débordé avec le Radioton et là, le Salon du Livre aussi. Exactement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui comme extrait audio? Aujourd'hui, on va écouter du John Cage. Dans les arts visuels. Oui, c'est ça. Ben, je trouve ça intéressant d'aller chercher une figure comme ça du côté musicale, si on peut appeler ça, donc qui a eu autant d'influence aussi dans le monde des arts visuels. Donc c'est des sonates et interludes pour piano préparé. Donc c'est un ensemble d'œuvres qui ont été composées entre 1946 et 48. Donc quand on parle de piano préparé, c'est que pour interpréter l'œuvre, il faut déposer des petits objets en plastique, en caoutchouc et en métal à certains endroits entre les cordes dans le piano. Donc pour aller chercher les sons qui sont recherchés par John Cage dans cette œuvre-là. Et c'est également un ensemble qui marque un tournant dans son travail parce que c'est là qu'il a commencé à intégrer plus la pensée orientale, donc qui s'inspire là, des spiritualités orientales beaucoup dans son travail. On va en écouter quelques extraits. C'est une interprétation de Boris Berman. On va commencer par on va skipper la sonate 1, on va commencer par la sonate 2. Depuis le 1er avril et ce jusqu'au 9, c'est actuellement à Québec la Semaine numérique de Québec qui a lieu où on retrouve plusieurs professionnels du milieu de milieu élargi, soit du web, du jeu vidéo, des artistes, gestionnaires de communautés, des organisations institutionnelles, etc., qui justement réfléchissent, se rencontrent pour parler de numérique dans la ville. On parle quand même d'environ 2000 professionnels et 20 000 participants du public. C'est quand même considérable. Et il faut dire que les arts aussi visuels sont touchés par cette semaine. Et la Chambre Blanche participe et présente une soirée intitulée F5 ce soir, c'est-à-dire à compter de 19h. Et on reçoit Caroline Belzile-Normand à ce sujet. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Audrey. Alors, la Chambre Blanche, c'est depuis le début, c'est la deuxième édition, je pense, des semaines numériques, la semaine numérique. En fait, c'est la deuxième édition de F5. De F5, d'accord. Puis cette année, il y a une nouveauté, c'est la résidence d'artistes en entreprise. Donc, il y a la soirée F5 où il y a des performeurs. En fait, 5 collectifs, 5 artistes ont été invités pour la soirée. Mm-hmm. Puis aussi, il va y avoir une exposition F5, l'art se connecte, qui va être au musée de la civilisation jusqu'au 10 juin. Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard à l'émission parce qu'on aimerait rencontrer justement les artistes et peut-être justement des gens des entreprises avec lesquelles ont été jumelés. Donc le vernissage de cette exposition-là a lieu aussi ce soir. Oui, exactement. Donc on peut aller découvrir ça, mais on voulait parler de cette soirée spéciale multidisciplinaire qui à laquelle on vous participez, que vous présentez, à vrai dire, organisez la Chambre Blanche. C'est une soirée, donc, comme tu as dit, de performance. Mais qui sont ces performeurs que vous avez invités? Parce que c'est assez, on dit multidisciplinaire, mais là, on touche pas seulement aux arts visuels. Là. Oui, exactement. Donc, il y a le collectif Danse Cas par Cas qui va présenter deux spectacles. Il y a le Danse de nuit, qui en fait des capteurs de pulsations cardiaques qui va être sur les danseurs, puis on va pouvoir entendre les battements des interprètes qui va aller au gré justement du performeur. Mm-hmm, de leurs mouvements et exactement. Tout. Oui, puis ça avait été présenté de façon très courte, je pense, deux ou trois représentations à la Rotonde cet automne. Oui, exactement. Oui. Donc, pour ceux qui l'ont manqué, c'est vraiment l'occasion d'aller voir quelques petits extraits là, de cette danse de nuit. Exactement. Puis, ils vont aussi présenter trois paysages qui est composé de plusieurs ventilateurs indépendants qui est actionné par les danseurs. Donc, ça ferait une fresque poétique qui donne aussi l'impression de solidarité avec les danseurs. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est important de dire que chaque, dans le fond, collectif a un rapport, justement, mixe une certaine technologie, que ce soit sonore, électronique ou autre, là, qu'on va découvrir avec leur performance. Je pense notamment à Anoush Mouazeni, c'est vraiment très intéressant. Vous avez publié, oui, là, aujourd'hui, une petite vidéo, là, qui est, ma foi, assez incroyable, là, justement, ce travail. Elle travaille avec des robots, oui, mécaniques, mais avec le piano. Mais là, c'est pas, exactement, pour remplacer l'interprète, mais pour porter une autre réflexion. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour, en fait, continuer un peu les actions en tant que pianiste. Mm-hmm. Puis les mécanismes robotisés construisent ou complètent un peu sa composition. Donc, c'est comme une composition plus de piano avec des éléments robotisés qu'elle a fait elle-même. Mm-hmm. Puis ça a été développé avec un ingénieur, ça. Puis je pense qu'elle travaille avec son cellulaire, hein? C'est ça, pour oui, c'est ça. Elle actionne avec son téléphone cellulaire les robots à l'intérieur du piano. Ah ben, ça va être fort intéressant. Puis si vous voulez un petit aperçu, comme je vous dis, allez voir sur la page Facebook de l'événement. Là, oui. Il y a une belle vidéo que tu as mise en ligne un peu plus aujourd'hui. Sinon, on va aussi toucher à l'illustration, la BD, avec Parenthèse 9. Oui, exactement. Donc, Parenthèse 9, ça va toucher le cirque, la bande dessinée. Puis en fait, c'est... En fait, ils ont fait des ateliers au cours du mois de mars, puis avec ces ateliers-là, ils ont expérimenté chacun autour de leur discipline, les interactions sur la scène entre le papier, capteur, jonglerie, jeu d'équilibre, puis qu'est-ce que en fait avec le dessin en direct, mm-hmm, toutes ces interactions-là peuvent donner avec leur expertise commune, dans le fond. Ah ben c'est intéressant parce que là on est dans un univers vraiment très déjanté, des disciplines qu'on n'aurait pas cru qu'il soit possible de croiser, ouais, en quelque sorte. Je trouve ça vraiment très intéressant comme mixte, si on peut dire, donc une création qui est en direct. Oui, création en direct, cirque, mm-hmm, bande dessinée, nouvelle technologie. Super. Sinon, on a aussi James Partek avec Insertio, je pense. Oui, exactement. Donc, son groupe de recherche Insertio qui a créé, dans le fond, plusieurs dispositifs dans le hall du musée qui va pouvoir activer pour créer une expérience sonore qui fait un écho justement à l'urbanisme qui fait une réflexion par rapport à cette mise en espace-là de l'urbanisme par rapport aux dispositifs sonores. OK. Fait que finalement, c'est comme une genre de petite ville qui est à l'intérieur là, du musée dans laquelle on va pouvoir se balader, qui va avoir des éléments sonores et tout. Hein? Oui, surtout de manière très... très conceptuelle. Donc, mm-hmm, comment vivre l'expérience de la ville, mais à travers un milieu X, un endroit... OK. Ouais. Ah, très, très intéressant. Donc, c'est assez participatif aussi en même temps, là, oui, oui, cette expérience-là. Là, le mouvement des gens va aussi créer justement cet effet-là de vivre l'expérience. Intéressant. Et puis, on a aussi Nicolas Jobin qui va être présent, mais lui, oui. C'est quoi qu'il nous présente au juste? On le connaît là, pour ça, comme passionné de musique, oui. qui a déjà travaillé aussi à Regard, mais là, qui est à fond dans sa discipline, si on peut dire, de passion, donc la musique. Oui, ben exactement. Nicolas Jobin, c'est vraiment lui qui va instaurer l'ambiance du musée pour la soirée. En fait, entre chaque performance, c'est lui qui va créer justement cet événement un peu festif, dynamique, qui va dans le hall du musée aussi. Intéressant. Puis il faut le rappeler, à la Chambre Blanche, depuis plusieurs années, a toujours été fascinée par, tu sais, on se rappelle peut-être les années 90, on avait beaucoup, ou bien même auparavant aussi, beaucoup dans l'installation, dans les arts visuels concrets, mais oui. depuis déjà un bon moment, la Chambre Blanche est impliquée dans tout ce qui est nouvelles technologies, numérique, ça fait partie du mandat de la Chambre. Oui, en fait, les labs web ont commencé en 2000, mm-hmm. lors justement de la démocratisation du web. Puis en 2014, on a eu les laboratoires de la Chambre Blanche avec l'équipement CNC, découpeuse laser, qui permet justement de démocratiser cet équipement-là pour les artistes et tous les curieux pour des nouvelles technologies. Oui, puis vous offrez aussi des ateliers qui sont ouverts, je pense aussi, pas oui. seulement aux artistes, mais à tous les intéressés. Là, je pense qu'il y en a même un en fin de semaine, oui, un atelier de robotique, c'est oui, ça? Oui, l'atelier de robotique est vraiment ouvert à tous, puis c'est vraiment autant des artistes que des curieux, que des gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies, même des professeurs parfois du secondaire aussi, mm-hmm. qui pensent à des nouvelles façons d'enseigner aux jeunes des ateliers sur les nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment... c'est super intéressant. C'est ouvert à tous. Puis, ouais, c'est dans notre mandat. Ben oui, ben c'est super intéressant parce que des fois, on oublie aussi cette portion des centres d'artistes, portion formation qui, oui, des fois, s'adresse plus spécifiquement aux artistes, mais là, je sais que la Chambre Blanche est très souvent ouverte à tout amateur, justement, de la culture numérique et autres. Donc, ça vaut la peine, mais à vrai dire, là, ce soir, c'est la soirée 5 à ne pas manquer. Donc, à oui. compter, on disait, de 19h oui. au Musée de la civilisation. On entre par l'entrée principale, j'imagine. Oui. Exactement. Parfait. Bien, Caroline Belzine-Lormand, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et bien, merci à toi. Une belle soirée aussi au Musée de la civilisation. Merci. De rien. Donc, on poursuit. On va faire une petite pause audio. Et cette fois-ci, c'est toujours John Cage et c'est First Interlude. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. J'ai en ma compagnie Fanny Ménard qui, à défaut d'avoir été là la semaine dernière, vous l'aviez entendu en entrevue avec Jean-Tiane. Oui, dans les corridors du Cégep cinq fois. C'est ça. Et là, ben, elle est avec nous ici, mais là, ce n'est pas en sa fonction d'artiste, mais plutôt de coordonnatrice aux communications chez Engram. Exactement. Bonjour. Donc, bonjour. Alors, on voulait t'inviter ici, et je dois admettre, je serai honnête ici, chers auditeurs, je suis en plein conflit d'intérêts parce que j'ai à voir avec cet encan bénéfice donc de Engram, qui est une institution, on peut dire, hein, depuis de nombreuses années que s'est présenté cet encan quand même. Oui, absolument. C'est un très vieil encan qui existait bien avant que j'arrive chez Engram ou que l'équipe actuellement en place soit déjà là. Et du coup, une formule qu'on change depuis l'année passée, donc on a osé instituer l'encan en soirée. Avant, traditionnellement, ça se passait les dimanches après-midi. C'est vrai, ça a été au cercle pendant quelques années, oui. Exactement, puis pour la première fois l'année passée, en soirée à la galerie. Puis cette année, c'est encore une nouvelle formule, toute nouvelle, puisque la grande nouveauté, c'est qu'on a invité une commissaire à faire la sélection des œuvres dans la banque d'œuvres. Qui est donc cette fameuse commissaire? Eh bien, je vais devoir le dire publiquement, c'est Audrey Caro. Eh oui, c'est moi. Non, mais qu'est-ce qui vous a amené justement à essayer cette nouveauté-là, à inviter une commissaire Alors, c'est ça. En fait, nous, on a plusieurs comités constitués de membres d'Engram, dont un comité qui travaille exclusivement sur la banque d'œuvres, un comité de programmation également. Donc, c'est toutes des artistes qui réfléchissent au fonctionnement, au bon fonctionnement du centre. Et cette année, pendant le comité de programmation que je coordonnais, a été évoquée l'idée d'inviter quelqu'un à vraiment réfléchir, un commissaire qui soit extérieur au centre, à mettre en valeur notre banque d'œuvres qui a le même âge que le centre, en fait, hein, oui, 45 ans l'année prochaine. Donc, vraiment, c'est un trésor là, au niveau de l'histoire de l'estampe à Québec et au Québec aussi, on peut dire. Et du coup, c'est ça, c'est très difficile quand on fait du bénévolat, quand on est déjà en train de classer des œuvres, d'essayer de trouver la bonne façon de les ranger, de réfléchir en plus à se mettre en perspective sur un commissariat. Donc, de faire venir quelqu'un d'extérieur, ça permettait de nous remettre à zéro aussi dans notre rapport à notre banque d'œuvres et puis de jeter un nouveau regard sur l'histoire du centre et sur l'histoire de la banque et des collections de la banque d'œuvres d'Engram. Oui, c'est ça, parce que c'est quelque chose que très peu de gens savent, mais Engram, donc, a cette fameuse banque d'œuvres qui compte, quoi, un peu plus de 2000 pièces, je pense. En tout cas, j'ai pas Je pense que tu le sais plus, tu le sais mieux que moi maintenant. Ben, disons, c'est ça, ça a été de fouiller au travers de tout ça, puis en même temps, aussi de trouver ces petits trésors, hein, vraiment, ces œuvres qu'on ne pensait peut-être pas trouver là, ou des œuvres qui datent quand même de plusieurs années ici, d'artistes qui parfois peuvent être décédés. Donc, je pense notamment à Daniel Herban qu'on avait reçu. Jean-Tiane s'était entretenu avec sa conjointe l'an dernier et il est décédé au mois de janvier. Donc, quand même, c'est intéressant d'avoir fait ces petites découvertes. Ces œuvres-là, là, on en a sélectionné une 40. Oui, 40 en tout. Oui, et puis en même temps, vous avez embarqué dans l'idée folle que je vous ai proposée d'avoir un lot spécial, si exactement. On peut dire, hein, parce que oui, on vous propose des œuvres 2D sur papier, mais en même temps, on avait envie d'élargir pour montrer aussi un peu le mandat d'Engram. Absolument, puisqu'on est avant tout un centre de production en estampe actuelle, donc l'idée d'amener un lot spécial nous a vraiment emballé dès le départ. Donc de nous permettre pendant notre événement bénéfice de montrer aussi ou de donner un petit regard sur l'aspect secret des ateliers qui sont peut-être moins vus par le grand public et le public. Et du coup, ben là, c'est ça, Audrey a pensé à inviter Andréane Jacques, qui est une de nos jeunes membres de la relève, à inventer un lot particulier. Donc tu peux l'introduire. Ben c'est ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, ben pourquoi ne pas proposer un lot où il y a pour le moment rien à acheter. Finalement, l'œuvre n'est pas faite, n'est pas produite, mais en même temps, une œuvre où c'est une expérience totale qu'on acquiert. Donc oui, il y a un objet qui va en résulter au bout, mais c'est avec Andréanne Jacques, finalement, l'acquéreur de ce lot donc va participer à la création, vraiment à la réalisation de l'œuvre, donc qui va être un... Est-ce qu'on a le droit de le dire ou on n'a pas le droit de le dire? Je pense qu'on peut. Je veux tout savoir. Oui, bon, mais tiens, Gentiane, on va... Dis-moi-le. Les auditeurs ne nous écouteront pas. Non, mais dans le fond, c'est une pièce... Mais tiens, on va y aller plus nébuleux, on va dire une pièce sur textile. Oui. L'acquéreur va être amené à réaliser avec l'artiste. Donc, ce seront les... Il va pouvoir choisir le tissu, les motifs qu'Andréanne va lui proposer et va par la suite aller réaliser l'œuvre avec Andréanne dans les installations, même dans Gram. Donc moi, je trouvais ça le fun parce que oui, c'est une expérience, mais vraiment, on va pouvoir à la fois faire une rencontre avec l'artiste, comprendre son cheminement artistique, sa démarche artistique, découvrir une technique aussi, exact, puis découvrir les ateliers dans Gram, hein, parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de l'estampe, c'est toutes ces petites machines, ben, petites, j'irais même grosses machines. Oui, il y a quelque chose de romantique aussi. Il y a quelque chose de magique là, quand on découvre la sérigraphie, la gravure ou la litho. Moi, je les découvre, j'apprends à mieux les connaître depuis que je suis rentrée là, puisque je ne suis pas une artiste de l'estampe au départ. Mais il y a vraiment une magie là, qui opère quand on voit quelqu'un faire au départ. C'est comme, ah, mais voyons, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Fait que là, ça nous amène vraiment, effectivement, dans le mandat d'Engramme, puis ça nous ramène la banque d'œuvres. C'est des artistes en résidence, de passage, c'est des artistes membres, producteurs qui sont là à l'année. Ça nous ramène vraiment à la mécanique même de l'estampe et son essence, du coup. Exact. Donc, moi, je trouvais ça tout à fait pertinent, puis en même temps tout à fait enrichissant pour la personne qui va acquérir ce lot-là. Donc, oui, à la fin, elle va repartir avec le résultat final, mais en plus, elle pourra dire, ben j'y ai mis la main à la pâte. Exactement. Réellement, et... À vrai dire, peut-être même porter cette œuvre. Ils ont plusieurs fonctions à cette œuvre, oui. Ouais, vraiment, il y a plusieurs possibilités. Mm-hmm. Et il faut rappeler, donc là, les œuvres, on va pouvoir les voir dès demain. Absolument. Donc, on finalise l'exposition présentement. On a travaillé fort cet après-midi, d'ailleurs, avec Audrey. donc, l'exposition va ouvrir demain à partir de midi à la galerie d'Engramme et ne dure pour cette année qu'une semaine, c'est-à-dire qu'à mercredi prochain, donc le 12 avril, on ferme l'exposition à 5h, puisque l'encan a lieu cette année, non pas à la galerie, parce que l'année passée, on avait été très serré, il y avait eu un beau succès, puis on avait très chaud, trop chaud, puis ça avait été... On n'aurait pas cru ça possible aujourd'hui, mais bon, effectivement. Ça marchait pas avec les cocktails, puis tout ça. Ouais. Donc, on a décidé de déplacer l'encan aux ateliers du réacteur pour la soirée du jeudi 13 avril. Oui, peut-être dire aux gens, les ateliers du réacteur, c'est anciennement l'épine Cloutier. Donc, ça va être là. Il va y avoir des indications pour nous diriger. Donc, une salle qui va être là. Et donc, c'est à compter de 17h. On peut s'inscrire. Il faut rappeler, c'est gratuit. Hein? Oui. Ça coûte rien aller à cet encamp. Donc, on s'inscrit à partir de 17h, mais l'encamp a lieu un peu à partir de 18h, on commence le processus de l'encamp en tant que tel. On se calcule à peu près 20h. Oui. Une des différences aussi avec l'encan traditionnel d'Engramme, c'est que le catalogue cette année présente les œuvres qui va être disponible à la galerie à partir de demain également, présente les œuvres dans l'ordre où elles vont être proposées à l'encan à la criée. Donc, vous pouvez déjà préparer votre budget, savoir ce qui va vous intéresser comme œuvre à partir de demain en récupérant le catalogue à la galerie. Ouais. C'est important de dire aussi, on parle de budget, mais il y en a pour toutes les bourses, on part de quoi même pas 50 $. C'est ça. Il y en a même qui partent à 30. À 30. Voilà. Donc, de 30 $ à aller. Mais il y a beaucoup d'œuvres en bas de 200 $, si ma mémoire est bonne. Hein? Oui, tout à fait. Vraiment, ça va valoir la peine. Et on a deux super encanteurs. Nicolas Jobin, dont on a parlé il y a quelques minutes, qui sera là, justement, dans un de ses multiples rôles. Et Juliane Charbonneau aussi. Absolument. Qui travaille en ce moment au développement et l'accueil du public à l'œil de poisson. Exactement. Donc, voilà. Une vraiment une soirée qui s'annonce très réjouissante, festive, effectivement. Et si je peux me permettre peut-être évoquer quelques noms d'artistes qui seront présentés à l'Encan. Donc, on parle de Denise Blackburn, Pascal Bonenfant, on va avoir Daniel Corbeil, il y a aussi Ludovic Fouquet, Andréane Gagnon, pensons aussi à Claudia Tremblay, Cynthia Tremblay, Marie-France Tremblay aussi, un trio de Tremblay ici, Bill Vincent aussi, un incontournable. Un classique. De cet encan. Enfin, bref, allez voir sur le site d'Engram, toutes les informations s'y trouvent. Et merci beaucoup, Audrey, pour ta belle sélection qui vraiment nous donne un œil inusité sur notre banque. On est vraiment très contents. On en a parlé avec l'équipe, on en a parlé avec les membres, puis tout le monde se réjouit vraiment de cette sélection et de voir ce que ça va donner, parce qu'on faut rappeler que c'est vraiment notre événement bénéfice annuel. On compte vraiment dessus pour notre année financière. Donc, même si vous venez bêter 50$ sur une œuvre, ça va nous aider dans tous les cas. Puis, avec une sélection comme celle-là, c'est sûr que vous allez trouver chaussures à votre pied. Exact. Bon, ben, merci beaucoup, Fanny Ménard, et on va répondre à l'appel le 13 avril prochain. Merci. Donc, on s'en va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté pour la deuxième moitié. 89.1. Le Centre Engram vous invite à sa soirée Encan Bénéfice d'œuvres d'art qui aura lieu le 13 avril prochain. Pour la première fois de son histoire, Engram a eu recours au service de l'historienne de l'art et commissaire indépendante Audrey Carreau, qui a retenu 38 œuvres. Venez découvrir sa sélection durant l'exposition du 5 au 12 avril dans l'espace de diffusion. L'Encan Bénéfice se déroulera aux ateliers du Réacteur, 731 rue Saint-Vallier, le 13 avril. Entrée gratuite et réjouissance assurée. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Alors, de retour en onde à l'aérospatiale, Gentiane Lafrance au micro avec vous. Et nous avons en studio Maude Lévesque et Anne-Josée Lacombe. Bonsoir Maude Lévesque. Bonsoir. Bonsoir Anne-Josée Lacombe. Bonsoir. Je vous présente brièvement Maude Lévesque. Tu es conservatrice de la collection du prêt d'œuvres d'art au Musée national des beaux-arts. En fait, on t'a invité ce soir parce que tu es la commissaire de l'exposition Le temps file. Oui. Anne-Josée Lacombe, tu es responsable de la médiation numérique à ce même Musée national des beaux-arts du Québec. Voilà. Donc, on va avoir l'occasion de discuter avec vous toutes les deux de cette exposition qui explore la vanité dans la collection du Musée national des beaux-arts. Donc, j'irai comme d'emblée comme ça, Maude Lévesque. Mais qu'est-ce qu'une vanité? Oh mon Dieu, la non, grande question. Si... Oui, c'est ben en fait, moi je le sais, vous le savez, donc peut-être pour l'expliquer un peu aux auditeurs qui savent pas c'est quoi une vanité, un memento mori. Oui. En fait, si on remonte au 17e siècle, la vanité, ce sont souvent des très petits tableaux qui appartiennent en fait au genre de la nature morte, mais qui vont comporter des éléments macabres et des éléments qui vont symboliser le temps, le passage du temps. Donc ce sont des œuvres d'art qui nous interpellent pour faire un peu pour méditer sur le passage du temps et sur notre vie, sur notre existence éphémère en fait. Oui, sur la finitude de l'être humain. La vanité a aussi un lourd bagage de codes, de symboles qu'on peut déceler dans les œuvres d'art quand on les connaît un peu. Dans l'exposition que tu as commissariée, Maud Lévesque, il y a une grande diversité d'époques. Oui. De médiums, d'origine aussi. C'est pas seulement que des œuvres d'art, il y a également des affiches, il y a de la photographie ancienne. Comment tout ça est rassemblé? Est-ce qu'il y a une présentation chronologique? Est-ce qu'il y a des regroupements thématiques? Comment on réfléchit les agents liants là, dans toutes ces œuvres qui sont très hétéroclites? Ben d'abord, c'est sûr que bon, il y a des vanités classiques dans l'exposition, mais évidemment, quand on tombe dans l'art contemporain ou dans l'art actuel, on n'a pas de vanité classique dans le sens symbolique. Donc, je me suis vraiment intéressée au grand thème de la vanité, donc la mort, le passage du temps, la fragilité, tout ce qui est éphémère, et j'ai fait des groupes, des sections dans l'exposition. Donc, j'ai regroupé des œuvres par section dans ces thématiques. Là. Donc, on a le regard sur soi, on a les cycles de la nature, on a le memento mori, on a les représentations du temps et on a aussi la disparition, donc la mort. Donc, essentiellement, ce sont des œuvres qui sont regroupées sous ces thèmes-là dans l'exposition. Donc c'est pas chronologique. On va avoir des œuvres qui datent du 18e siècle qui vont dialoguer avec des œuvres d'art actuelles. Ben c'est oui, ça? Par exemple dans l'intro de l'exposition, on a la jeune fille au miroir d'Antoine Plamondon, tout juste à côté d'une œuvre de Sylvie Coton. Ah, intéressant. Donc, on a des duos improbables, des dialogues improbables qui se forment comme ça pour... C'est vraiment des liens, c'est des liens visuels, c'est des liens entre les œuvres. OK. Et donc, il y a quand même un corpus d'œuvres qui est quand même assez vaste, là, une soixantaine d'œuvres, je crois. 58 exactement. Oui, 58. Puis il y a des objets aussi là-dedans, et puis, bijoux. Est-ce qu'il y a eu des deuils à faire dans la sélection? Comment c'est déroulé la sélection? Évidemment, si j'avais eu deux salles, je pense que j'aurais été en mesure de les remplir. Je dirais que quelques petits deuils, mais non, on est arrivé à placer pas mal l'essentiel des groupes. Là. Mm-hmm. Oui. Et dans le cadre de cette exposition-là, il y a également un média guide spécial qui a été préparé. Donc, Anne-Josée Lacombe, on va discuter de ce média guide qui accompagne l'exposition. Tout d'abord, je voulais savoir, ça fait combien de temps à peu près que les média guides ont comme remplacé les audio guides au Musée national des beaux-arts du Québec? Alors, ça va faire 2 ans au mois de juin. Donc, on est passé de l'audio guide classique au média guide et c'est un support quand même qui nous offre beaucoup plus de possibilités par rapport à l'audio guide. Donc, on peut intégrer de la vidéo, des photos, etc. Mm-hmm. Ceci dit, pour le projet avec Véronique Grenier, on est resté assez près d'une narration classique. Il y a quelques images pour situer les visiteurs. Parce que Véronique a écrit un texte original, mais elle cite certains auteurs. Donc, on va pouvoir voir défiler les visages et les citations de ces auteurs-là, les ouvrages cités. Mais pour le reste, on a vraiment réfléchi à un outil qui s'écoutait essentiellement pour ne pas distraire le regard. Donc, on est vraiment dans l'audio d'abord et avant tout. Et l'idée, c'est pas de donner des informations sur les œuvres. On a vraiment laissé carte blanche à Véronique pour qu'elle s'inspire des thèmes de l'exposition et qu'elle écrive des textes qui allaient plonger dans l'ambiance de chacune des sections dans la salle. Intéressant. Et en plus, on a un extrait audio qu'on va pouvoir écouter. Dans quelques... En primaire. En primaire, oui, en primaire. J'allais le dire. Donc, on a, ben, c'est parce que l'exposition n'a pas encore commencé. On a cet extrait audio-là en primaire qui va nous donner une petite idée là, du contenu de ce média guide-là. Média guide nouveau genre qui est très, très loin des interprétations d'histoire de l'art. Ou, on va écouter un petit extrait de 2 minutes environ. Au fur et à mesure que j'alignais des mots, j'ai compris que je concevais ma tâche comme celle de vous écrire une musique d'ascenseur. Une trame de fond, quasi chuchotée, pour accompagner vos pas dans un trajet déjà plein de lui-même, qui suffit. Des mots enveloppants, loin peut-être des habituelles descriptions auxquelles s'attendent dans une exposition. Des mots noués à l'expérience du regard et du ressenti. Le temps file. Nos montres ne tiquent peut-être plus à nos poignets, le temps d'autres mesures. La faim, le sommeil, les notifications, les plis au visage. On n'y échappe pas, ou si rarement. On court contre lui, souhaite le remonter, l'arrêter, le photoshopper. Donc, un court extrait qui nous montre aussi, c'est une narration qui est très belle, qui est très travaillée, et quelque chose du monologue, du théâtre aussi. Je dirais même plus près de la poésie. Véronique, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement auparavant, mais que j'ai approché parce que je connaissais sa plume. Donc, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années de par son blog. C'est une chroniqueuse aussi à la Gazette des Femmes, à Urbania. Et elle a publié l'an dernier un roman qui s'intitule Hiroshima, qui est tout court, mais qui est magnifique. Elle a vraiment une plume très imagée, très colorée. Elle a un langage qui lui est propre. Elle va chercher des néologismes. Des fois, c'est du franglais. Des fois, c'est un niveau de langage très, très soutenu. Mais tout ça est porté par une poésie, une intensité magnifique. Et j'en ai discuté avec Maude. Et on trouvait que vraiment le ton de ses écrits collait parfaitement au thème de l'exposition. D'autant plus que Véronique... au quotidien, je dirais, enseigne la philosophie au collégial. Oui, c'est ça, ouais. c'est intéressant parce qu'il y a il semble y avoir toutes des réflexions très, très philosophiques aussi qui se déploient tout au long de cette narration. Tout à fait. Mais je pense que la mort, le vieillissement, c'est des questions qui ont été abordées beaucoup à travers l'histoire de la philosophie. Donc, et Véronique avait déjà aussi une certaine réflexion par rapport à ça. Donc, c'était la personne tout indiquée là, pour écrire un texte autour de cette exposition-là. Et elle en a fait quelque chose de très, très personnel. C'est un texte qui est au jeu, on l'a entendu déjà. Mm-hmm. Et elle discute donc de notre peur de vieillir, de l'idée qu'on va disparaître un jour, mais pas seulement la mort, mais s'effacer des souvenirs des gens, par exemple. Donc, elle pousse la réflexion beaucoup plus loin que la simple idée de la vie, de la mort mm-hmm. qui arrive dans nos existences. Et elle vient vraiment, je pense, on l'a entendu au ton de sa voix, elle vient créer une sorte d'intimité, je dirais, pendant qu'on visite l'exposition. Donc, ça crée toute une ambiance qui prédispose à la contemplation des œuvres qui sont là et qui nous parlent de ces thèmes très forts, de la vie, du temps qui passe et de la mort. Oh, ça augure bien. Donc, vous avez donné carte blanche à Véronique Grenier. Mais est-ce qu'il y a eu quand même une collaboration avec la commissaire, avec toi, Anne-Josée Lacombe? Est-ce qu'il y a eu un retour, un fignolage, un travail, ou c'est vraiment comme le brut, le texte brut qui a été proposé? On a eu une rencontre. Mm-hmm. Ensemble, où je lui ai présenté les œuvres, on mm-hmm. est allé en réserve, elle a eu l'occasion de voir les œuvres, mm-hmm. De ressentir un peu pourquoi on avait choisi ces œuvres-là. Mais non, ça a été très brut. Oui, en fait, pour le reste, puis je salue le courage de Maude là-dessus. Je la remercie de m'avoir fait confiance aussi. Mais vraiment, on a décidé de laisser carte blanche à Véronique parce que on voulait s'éloigner du média guide traditionnel. Oui, avec ça. Un commentaire très histoire de l'art. Et au plus je réfléchissais aux balises que je pourrais lui donner, par exemple, en dialoguant avec elle, au plus je me disais, mais dans le fond, on va se ramasser avec quelque chose d'assez classique qui ressemblera plus tout à fait à Véronique Grenier, mais qui va être un produit de musée écrit par Véronique Grenier. Donc là, c'est vraiment, c'est Véronique qui nous parle, c'est sa plume, ce sont ses mots, ce sont ses réflexions à elle, les citations, elle cite énormément de poètes, d'auteurs, donc c'est elle qui les a choisis également. Donc, c'est carte blanche, mais on sent qu'elle a vraiment bien ressenti l'esprit de l'exposition. C'est intéressant parce que ça passe beaucoup par le ressenti, oui. Par l'intellect aussi, mais ça passe beaucoup par le ressenti, le rapport aux œuvres. Ben, le choix des œuvres, c'est fait comme ça aussi. C'est vraiment pas un choix d'historien de l'art. C'est vraiment un choix qui fonctionne. C'est très émotif comme choix d'œuvre. Puis je pense que les mots de Véronique portent beaucoup ça. Puis moi, quand j'ai lu le texte brut, j'ai eu des petites larmes dans mon bureau là. Oh. Vraiment, c'est très très c'est très sensible comme écriture. Oh, c'est beau. Et puis vous l'avez fait l'expérience de faire le tour de l'exposition avec le média guide? Ben moi, j'ai eu l'occasion de me plonger plusieurs fois dans la voix de Véronique de par toutes les questions techniques que pose mon métier. Et franchement, j'ai baigné dans cette ambiance-là. Je suis allée en salle. On a aussi en salle un petit extrait du Média Guide que les gens vont pouvoir écouter s'ils n'ont pas pris le Média Guide. Dans une section, on a placé un iPad aussi pour que les gens puissent peut-être l'essayer avant de décider de faire le tour eux-mêmes avec le Média Guide. Donc, on a pu le vivre un petit peu aujourd'hui, entre autres, là, s'est plongé beaucoup là-dedans. Et vraiment, il y a une ambiance intime qui est créée par la voix très feutrée de Véronique qui colle tout à fait avec le thème. Oui, parce que la narration est très, très bien faite. Elle fait de la radio aussi, je pense, Véronique Grenier, si oui, je me trompe pas. Oui, elle est chroniqueuse à la radio, en effet. À Radio-Canada. Donc, on voit qu'elle maîtrise bien aussi sa voix. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça, là, donner carte blanche à... à quelqu'un? Oui, moi, je me rappelle de l'époque où je travaillais au musée. Je pense que c'était pour l'exposition C'est arrivé près de chez vous. Il y avait eu Olivier Chouanière qui avait fait un genre, c'était pas une audio guide spécifiquement, mais une œuvre sur audio guide. Donc, c'était un peu différent, mais en même temps, l'expérience m'apparaît un peu dans le même esprit où on se baladait au travers du musée et il y avait cette espèce de récit que lui faisait au fil de nos balades au sein du musée. Puis c'est la façon que vous en parliez, ça m'évoquait un peu ça, mais je pense que c'est tout à fait nouveau là, quand même, ce genre d'ouverture-là. Je veux dire, à un auteur, go! Dans le cadre du Média Guide, en tout cas, c'est la première fois qu'on fait une expérience comme ça. Il y a eu, au fil des années, au musée, effectivement, quelques essais. Je pense, entre autres, aussi à l'exposition sur les plasticiens où mon prédécesseur, Michel Nadeau, avait demandé à Nicolas Jobin de faire une ambiance musicale pour accompagner l'exposition. Donc, on a fait des essais d'ici de là, mais moi, dans le cadre de mon travail, là, depuis que moi, je suis là, c'est la première fois que, vraiment, on donne une carte blanche comme ça à un auteur. Et c'est une expérience. Déjà, je pense que les résultats sont extrêmement positifs. J'ai hâte de voir la réaction des visiteurs, mais c'est la première fois, probablement pas la dernière. Oui, donc c'était une question que j'allais vous poser, là, mais j'imagine que c'est ça donne le goût d'en faire d'autres. Est-ce que vous avez déjà des idées qui germent sur les expositions à venir? On a-t-il droit à d'autres scoops? On est en réflexion, mais je pense qu'il y a une volonté au musée de porter un regard différent sur les œuvres de la collection. Donc, c'est sans doute des choses qui risquent de se refaire dans un avenir rapproché, là. Ça fait déjà quelques expositions que, d'ailleurs, je pense, je sais que t'es quand même quelqu'un qui l'a fait auparavant, là, notamment quand il y avait eu la saison photo où tu nous avais fait aussi une très belle sélection d'œuvres d'art plus contemporaines. Oui. Mais je pense qu'il y a cette volonté-là aussi depuis quelques années au musée de nous montrer les trésors qui sont là au musée, mais qu'on ne peut pas voir nécessairement de façon permanente dans la collection permanente, mais qui sont splendides. Oui, là, ben, aussi. Je pense à des pièces qui sont dans l'exposition, je présente deux bijoux de deuil. Puis dans une exposition régulière, c'est un peu compliqué de présenter ce genre d'objet-là, mais là, dans la thématique, ça se prête tout à fait à cette présentation-là. C'est intéressant, ça nous permet de sortir des objets ou des œuvres qu'on n'a pas souvent l'occasion de présenter. Donc, en quoi ils consistent, ces bijoux de deuil-là? Est-ce qu'il y a c'est du 19e siècle, j'imagine? Oui, 19e siècle, puis c'est des objets qui sont faits avec des cheveux. Oui, c'est donc, ça. Donc, à l'époque, c'était vraiment à la mode de faire réaliser un bijou à partir des cheveux d'un être cher. Avec donc, une photographie? Celui-là, on a un bracelet en cheveux tissé avec un petit fermoir en or. Puis on a aussi une broche avec un dessin réalisé en cheveux, donc avec des cyprès puis avec un saule pleureur. Et puis, ils sont présentés avec quoi, ces bijoux-là? Ils sont présentés avec des ferrotypes. J'ai sélectionné des photographies dans lesquelles les gens sont en train de disparaître, des éléments comme ça. Donc, ça, c'est dans la section sur la disparition. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant parce que la vanité, ben, à l'origine, faisait partie de l'intention de l'artiste, faisait partie d'un ensemble de codes très, très rigides où on reconnaît les symboles et on est capable d'identifier la vanité de façon... bon, pour les connaisseurs, c'est assez facile. Mais là, en tant que commissaire, toi, Maud Lévesque, tu t'interprètes des œuvres qui ne le sont pas... Qui n'ont pas été réalisées avec cette intention-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est plus de m'inspirer des grands thèmes de la vanité et d'y aller avec l'expérience qu'on fait d'une œuvre. Donc, une œuvre qui va nous parler de disparition ou qui va nous parler d'un cycle de la vie, bien, pour moi, je suis capable de l'intégrer dans l'idée de la vanité. Parce que c'est pas une vanité en tant que telle. Elle n'a pas été réalisée dans ce contexte-là. Mais c'est quelque chose qui s'attache très bien à ces grands thèmes-là. Mais c'est que ça ouvre l'interprétation aussi de ces œuvres-là qui, justement, une œuvre d'art n'a pas qu'une signification ou qui est fermée, là, quand même. Je veux dire, chacun, une œuvre peut venir nous toucher de façon différente, à différents niveaux, selon justement ce qui est représenté, son esthétisme, etc. Donc, Et puis c'est intéressant parce qu'avec l'apport du média guide et l'extradisciplinarité, j'aurais le goût de dire, donc un regard qui provient pas de l'art, qui provient pas de l'histoire de l'art, mais qui provient plus d'un regard philosophique, un regard littéraire. Ça vient enrichir et ça vient ouvrir encore plus la lecture. Donc, on est vraiment devant une proposition. Mais là, on l'a pas vu encore. On a très hâte de la voir. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des propositions qui sont beaucoup moins dans des petites boîtes, dans des petites cases comme ça, puis de vraiment y aller avec une réinterprétation de la collection du musée. Et une ouverture aussi vers des médias guides de nouveaux genres. Donc, le vernissage de l'exposition, c'est demain? Oui, c'est demain, et Véronique va faire une lecture demain dans une section. Oh. Et on aura aussi Claudie, parce qu'on a fait... Oui, on n'a pas parlé de Claudie Gagnon. On a travaillé avec Claudie Gagnon. Donc, rapidement. Oui, oui. Rapidement, donc, Claudie Gagnon a été invitée à proposer une œuvre pour l'exposition, c'est oui, ça? Oui, en fait, elle a réalisé une nature morte qui va évoluer tout au long de l'exposition. Donc, c'est nature morte avec fleurs... Non, c'est nature morte aux fleurs avec fromage. Voilà. Donc, on a l'habitude de... Claudie Gagnon a l'habitude de travailler avec la nourriture. On la voit beaucoup dans sa pratique. Donc là, elle intègre des fleurs qui, j'imagine, vont finir par flétrir en toute bonne vanité classique. Oui. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de la voir sur place au musée? Travailler, tout à fait. Oui. Okay, non, elle ne travaillera plus parce que l'œuvre est déjà terminée. Ah, elle est terminée aussi. C'est en place, mais Claudie sera là demain soir. Ah, bon, mais super. Ceci dit, la médiation numérique sera au service des gens qui n'auront pas le temps de venir voir l'œuvre dès le début parce qu'on a réalisé un petit time-lapse déjà qui est déjà en salle mais qui va évoluer tout au long de la durée de l'exposition. Mmh. Donc, on documente photographiquement ce bouquet-là qui évolue, qui flétrit tranquillement ainsi que le fromage. On s'attend à le voir peut-être faire un peu de bruit dans la cloche de verre sur laquelle il est placé. Et donc, on va pouvoir voir en salle l'évolution de l'œuvre de Claudie qui est documentée photographiquement. Graphiquement et monter en film ensuite. Bon, très intéressant. Très bonne idée. On a toutes les deux animatrices ont très hâte d'aller voir cette exposition. puis ça augure bien cette œuvre de Claudie Gagnon, en autant que les mouches ne se mettent pas de la partie. Ah, on est non, dans un musée quand même. Tout ça est très bien contrôlé, vraiment. donc le vernissage demain, comme on disait, et les visiteurs vont en voir jusqu'au 24 septembre. Donc on a quand même du temps quand même pour pouvoir aller apprécier cette belle exposition qui va débuter demain au musée National des Beaux-Arts du Québec. Je vous remercie beaucoup, Maud Lévesque. Merci. Anne-Josée Lacombe, merci d'être vous être déplacée en studio pour cette belle entrevue. Et nous, on pose audio avec un dernier extrait de John Cage. Donc, nous avons la sonate numéro 9, je crois. Thank you. Et on va conclure l'émission, bien sûr, avec l'agenda de la semaine, Jean-Tienne, qui, quand même, encore une fois, nous propose beaucoup de choses à faire. Donc, oui, des choses dont on a parlé aujourd'hui, notamment. Oui, effectivement. Donc, ce soir, n'oubliez pas la soirée F5, donc au Musée de la Civilisation, à 19h. En même temps, demain, il y a plusieurs choses à faire. Il y a l'ouverture de quelque chose, une exposition collective des membres de l'atelier de la mezzanine. Le vernissage est à 17h, bien sûr. À l'atelier de la mezzanine dans la coopérative Méduse. Également, à 17h, il y a le vernissage de l'exposition BD La course à l'espace. C'est une installation BD de grand format de Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau. Et c'est dans les cellules du pavillon Charles Baillerger. Donc, si vous allez en même temps voir le vernissage du temps file, mais également aussi de Carl Trahan qui se passe au même moment au musée, ça vaut la peine de faire un détour justement de ce côté. Également, il y a Mémoire de village, une exposition du Musée de la Civilisation à la Villa Bagatelle. C'est pour découvrir le travail de la peintre Thérèse Sauvageau qui s'inscrit dans un courant d'art populaire. Et elle peint notamment pendant 30 ans, donc les scènes pittoresques de son village de Grondine. Oh. Également aussi, il va y avoir l'exposition de l'Encan d'Engram, bien sûr, à voir jusqu'au 12 avril dans la galerie d'Engram. L'Encan, on le rappelle, le 13 avril. Jeudi, double vernissage. Bon, pas jeudi, non, on va dire. C'est mercredi, le vernissage. Vous m'excuserez, au musée. Donc, le temps fait les caltrans. Vernissage, sinon, vendredi, faux mouvement d'Annie Descoteaux à la Galerie 3. C'est à compter de 17h30. Et samedi aussi, il y a une belle table ronde qui est organisée par le regroupement des artistes en arts visuels, le RAV, à l'occasion de Manif d'art 8. Ça s'intitule « La pratique de la joie, force créatrice pour transformer le réel ». C'est au Musée donc de la Civilisation. C'est gratuit à compter de 14h. José Landry-Sirois est là, Atsa qui est là aussi, et Lorraine Palardi qui vont vous jaser durant cette table ronde. Et c'est la dernière semaine donc pour voir Catherine Galichard Malmo à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Donc, comme à toutes les semaines, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Un très gros merci à nos invités, Caroline Belzile-Normand, Fanny Ménard, Maude Lévesque et Anne-Josée Lacombe. Merci à Jacques Gignac, notre riepel des ondes. La semaine prochaine, on vous parle de la pièce de théâtre L'art de la chute, qu'Audrey ira voir au Périscope, et de l'exposition de Carl Trahan au Musée national des beaux-arts du Québec, ainsi que de l'exposition de Martin Golan chez Michel Guimond. Ne manquez pas l'accroche-oreille, notre émission cousine, donc sur l'art audio, les dimanches à 21h avec Gaétan Gosselin, toujours sur les ondes de CKRL. Et de l'autre côté de l'émission, de la pause, pardon, il y a Pierre Blais et son équipe qui vous attendent pour parler cinéma à l'émission Situation critique. Bonne semaine, Audrey. Bonne semaine, Chantiane. Merci, chers auditeurs. Bonsoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le Centre Engramme vous invite à sa soirée Encan bénéfice d'œuvres d'art qui aura lieu le 13 avril prochain. Pour la première fois de son histoire, Engramme a eu recours au service de l'historienne de l'art et commissaire indépendante Audrey Carreau, qui a retenu 38 œuvres. Venez découvrir sa sélection durant l'exposition du 5 au 12 avril dans l'espace de diffusion. L'Encan bénéfice se déroulera aux ateliers du Réacteur, 731 rue Saint-Vallier, le 13 avril. Entrée gratuite et réjouissance assurée. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Sago est de retour avec un nouvel album. Par ici, les sentiers de terre, toi et moi dans un noir, ton corps perdu. Bleu Jane, nouvel album de Sago, disponible dès maintenant. Le 12 avril prochain, West Trains, sous la direction d'Éric Westmillet, vous propose un voyage multimédia rétro-futuriste qui dépeint une vision poétique de l'univers ferroviaire. Récipiendaire de l'album instrumental de l'année à la disque en 2016, West Trains se veut un hommage musical et visuel aux grands express transcontinentaux. Bienvenue, mesdames et messieurs, de Coleman. Welcome aboard West Trains. West Trains, une expérience à vivre le 12 avril au Grand Théâtre. Billets en vente sur billettech.com. En clôture du 30e Festival de la BD francophone de Québec, l'Harmonie de Charlebourg, sous la direction de François Dorion, vous invite au concert dessiné Les Contes parallèles. Venez voir les dessinateurs Catherine Lemieux et Julien Dallaire-Charret qui feront vivre en illustration Kiki la petite sorcière, le carnaval des animaux et bien d'autres, accompagnés par une cinquantaine de musiciens sur scène. À cette occasion, l'Harmonie de Charlebourg remettra la bourse pour la relève musicale aux lauréats. Les Contes parallèles en concert dessiné, le 9 avril à 15h, à la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Informez-vous sur harmoniedecharlebourg.ca